Mon imagination était allumée, ma tête exaltée, mon cœur inondé de tristesse. Je pris un parti violent, et sans communiquer à qui que ce fût mon dessein, je montai à cheval et courus chercher la trappe pour y ensevelir le reste de mes jours. Le ciel semblait conjurer contre moi. Un orage affreux m'oblige de m'arrêter à Versailles. J'étais percé, je n'avais rien pour changer. Je me jette dans une auberge pour me sécher, et rendu de fatigue, je me résous bientôt à y passer la nuit. Seul dans ma chambre, j'y broyais du plus beau noir possible. L'histoire de l'abbé de Rancé me montait au IVe siècle. Je ne voyais rien de si beau que ces longs cimetières dont quelques lampes sépulcrales perçaient à peine les sombres horreurs. J'entendais cette cloche funèbre qui semble appeler la mort. Je la voyais s'avancer à pas lents. Comminges et Euphémie étaient devant mes yeux. Je prenais le travail pénible de mon imagination délirante pour l'héroïsme de la vertu. J'allais enfin m'enfoncer dans ces demeures funèbres, où j'ai mis ce tant de malheureuses victimes des préjugés, des passions. Je le voulais, la Providence ne le voulut pas. Absorbé dans mes sombres réflexions, je n'apercevais pas une très jolie fille de l'auberge, arrivée depuis un quart d'heure devant moi. J'y prends garde enfin. Je sors de ma rêverie, mais pour tomber dans une autre. Je lui approche un fauteuil, la croyant, ma foi, je ne sais qui. Je l'oblige à s'asseoir. Elle ne doute plus de ma folie. Enfin, à force de me demander ce que je voulais pour mon souper, elle me rappelle à moi. Je ris, elle éclate. Je donne mes ordres. Madelon descend et revient faire mon lit. La bonté divine veillait sur moi. Ces sortes de filles portent leurs cotillons fort courts. Madelon, en s'allongeant, me laissait voir une jambe faite autour et le bout d'une cuisse très blanche. « Hélas, me dis-je à moi-même, je vais m'enterrer. Que cette pauvre fille profite du moins de mon reste. Enfilons-la. C'est le dernier coup que je de ma vie. » Alors, avec une gravité sans égale, je la prends par les deux pattes. Je la jette sur le lit, je la trousse et je l'enfourne avant qu'elle eût le temps de voir comment. Elle fit un peu la revêche. Mais où est la fille qui ne marche pas au troisième coup de Seulement, pour me marquer son dépit, elle remuait comme un diable. Par habitude, je voulais recommencer. Elle me fit convenir que cela ne se pouvait pas, qu'on attendait après elle. Mais nous arrêtâmes qu'elle viendrait coucher avec moi. Et je me débarrassai en sa faveur de quelques louis, qui, suivant mon projet, allaient me devenir inutiles, car je n'en démordais pas. Nous passâmes la nuit ensemble. Je m'en donnais comme pour la dernière fois, mais admirai l'ouvrage du bon Dieu. Plus j'allais à ce diable de trou, plus ma tête se calmait. Mes résolutions s'affaiblissaient d'autant, et je résolus, sous prétexte de fatigue, d'attendre encore une nuit pour me déterminer. Je ne fus pas dans cette peine. Une berline de poste arriva vers l'heure du dîner. Deux hommes qui étaient dedans me firent demander la permission de partager le mien. Je l'accordai. Mais quel fut mon étonnement! C'étaient deux de mes amis intimes qui me galopaient. Ha ha! Monsieur l'enragé, me dit Saint-Flour, vous faussez donc ainsi compagnie? Que diable! Tu as l'air du chevalier de la triste figure. Je voulais soutenir contenance. Ils m'envoyèrent promener, me persiflèrent, me démontrèrent que je n'avais pas le sens commun. Je le crus. Je montai en voiture avec eux, nous arrivâmes à Paris. Pendant quelque temps, je fus un peu honteux. D'ailleurs, le diable m'emporte si je savais où aller, ni quelle liaison former. Cependant, j'étais endetté. Mes créanciers, honnêtes, israélites, venaient m'offrir leur figure patibulaire. Je pris une résolution magnanime. Je me décidai à me mettre la corde au cou, à me marier. Ah, tu vas faire une fin. Oui, une fin, c'est par Dieu, bien périr avant le temps. Je connaissais une vieille intrigante, doyenne des marquises, appareilleuse de sacrement. Je fus lui conter mon affaire, en lui observant que j'étais pressé. Oui, me dit-elle, la voulez-vous jolie? Ma foi, cela m'est égal, c'est pour en faire ma femme. Je ne m'en soucierai guère, et je ne la prends pas pour les curieux. Il la faut riche? Oh, cela le plus possible, de l'esprit? Mais oui, là, là, je tiens votre affaire. Connaissez-vous Madame de l'Ermitage? Non. Je vous présenterai. C'est une de mes amies. Sa fille a 18 ans, elle est très riche, et surtout son caractère est excellent. Ah, foutre que cette bougresse-là est laide! Mon aimable daigne part sur le champ pour porter les premières paroles, manigancer mon affaire et me vanter. Le soir, elle m'écrit deux mots, et deux jours après, nous nous rendons chez ma future belle-mère. Madame de l'Ermitage tient bureau de bel esprit. Là, tous nos demi-dieux, tous nos Apollons modernes, viennent chercher des dîners qu'ils paient en sornettes. Dès l'antichambre, je respirais une odeur d'antiquité qui me saisit l'odorat. La vieille m'avait prévenu qu'il fallait beaucoup l'admirer. j'entre dans un salon immense et carré. J'y trouve la maîtresse de la maison avec l'air d'une fée, le corps d'un squelette et le maintien d'une impératrice. Elle m'assomme de longs compliments. J'y réponds par des révérences sans nombre. Je cherche des yeux la future. Ah, foutre, on vous en donnera. Diable, il faut que sa chère mère me juge auparavant. Et la bienséance permet-elle qu'on expose une fille au regard du premier occupant? La duègne et la mère entamèrent les grands mots et les vieilles histoires. Pendant ce temps-là, je toisais le salon. Des tapisseries d'antiques verdures en couvraient les murailles. Cassandre et Polyxène y figuraient, aussi bien que le roi Priam. Nombre de Troyens et perfides de Grecs, avec chacun un rouleau qui leur sortait de la bouche pour la commodité de la conversation. Du plancher pendait une lampe immense à 7 branches, de bronze doré, qui avait servi au festin de Nabuchodonosor. Aux 4 coins, des trépieds de vieux lacs surmontés d'urnes à l'antique, et de pyramides tronquées trouvées dans les fossés de Ninive la Superbe. Des tables de marbre de Paros portées sur des piliers de granit, chargées de bustes grecs et latins, et d'un grand médaillier. La cheminée, élevée à 8 bons pieds de hauteur et surmontée d'un miroir de métal, environnée d'une bordure immense en filigrane. C'était, je crois, celui de la belle Hélène. Les fauteuils paraissaient modelés sur ceux de la reine de Saba, couverts de tapisseries durement rembourrées pour éviter la mollesse, mais magnifiquement dorés. Voilà, mon cher, le mobilier qui frappa mes regards. Au reste, tout décelait à mes yeux exercés un fond de richesse qui chatouillait mon âme, et je projetais déjà de changer toutes ces falaises contre les belles inventions de notre luxe moderne. Je m'extasiais sur chaque objet. Je tranchais du connaisseur pour applaudir. On accueillit mes éloges, et nous nous retirâmes, la duègne et moi. En sortant, elle me dit que ma figure, mon air sage et posé, car il ne m'était, pardieu, pas échappé un sourire, surtout mon excessive politesse, avait prévenu en ma faveur que probablement je serais invité à dîner pour le jeudi, qui était le grand jour, et qu'alors je verrais Mademoiselle Euterpe. Foutre, voilà un beau nom. J'ai diablement peur que ma charmante ne soit aussi quelque anticaille. Je fus invité. Le dîner répondait à l'ameublement, et je vis mon Euterpe. Ah, sacre Dieu, la jolie future! Elle est faite à coups de serpe. Elle a été modelée, ou le diable m'emporte, sur quelques singes. Aussi, madame sa chère mère, dit-elle, que c'est le portrait vivant de monsieur de l'Ermitage. Ramassé dans sa courte épaisseur, un teint d'un jaune vert, de petits yeux enfoncés, battu jusqu'au milieu de 2 joues bouffies, des cheveux à moitié du front, une bouche énorme et meublée de clous de girofle, un cou noir et puis... serviteur, une gaze envieuse voilait un je ne sais quoi, qui montait au diable. Et, par Dieu, que ne couvrait-elle aussi les 2 plus laides des pattes que jamais servante elle avait? Au reste, Mademoiselle Euterpe fait la petite bouche, grimace avec complaisance, et n'en est que plus laide. Ce fut bien pis quand elle eut parlé. Ah, oh, Cathos n'est rien en comparaison. Jour de Dieu, épouser cela, me dis-je à moi-même, c'est bien dur, et fille donc. Tu ne l'épouseras pas, peut-être. Eh, mon ami, 40 000 livres de rente d'entrée, autant de retour. Cela n'est pas à négliger. Elle a les beaux yeux de la cassette, et moi je n'ai qu'un beau dont elle ne tâtera guère. Mes créanciers me talonnent, il faut s'immoler. Après le dîner, Mademoiselle Euterpe fut se camper auprès de sa chère mère, et moi j'allais roucouler d'amoureux hochets qui furent reçus avec humanité et condescendance. Somme toute, au bout de 15 jours, on nous maria en m'avantageant de 20 000 livres de rente par contrat. Me voilà donc époux d'Euterpe. La mère donna à sa bien-aimée sa bénédiction et le baiser de paix. Ma chaste épouse fut se mettre entre 2 draps, les talons dans le comme cela se pratique par modestie. Une partie de la noce était dans les chambres voisines. Les jeunes gens surtout, pour qui c'est une aubaine, me firent compliment sur mon bonheur futur, me souhaitèrent bonne chance et se mirent en embuscade. Je me campai à côté de ma charmante qui versait de grosses larmes. « Madame, lui dis-je, le mariage où nous nous sommes engagés est un état pénible, une voie étroite, mais qui mène au bonheur. » Il n'est point de roses sans épines, et c'est moi, votre époux, qui dois les arracher. Le Créateur nous a réunis pour que nos 2 moitiés ne fissent qu'un tout. Afin de mieux consolider son ouvrage, il a fait présent à l'homme, chef de son épouse, d'une cheville. Tâtez plutôt. Je lui porte la main là, et la masque retire la patte, comme si elle avait bien peur. Or, cet instrument doit trouver son trou. Ce trou est en vous. Permettez que je le cherche et que je le bouche. Alors, d'un bras vigoureux, je prends ma chrétienne. Elle serre les cuisses, j'y mets un genou comme un coin, elle me fout des coups de poing par manière de résistance. Enfin, elle fait semblant de se trouver mal, elle allonge les jambes, Lève le... Je frappe à la porte. Ah, foutre. Ah, sacre Dieu. Mort de ma vie, quoi donc? Comment, bourreau? Deux pieds de corne, je suis étranglé. Elle est couverte à deux battants encore. Ah, chienne, ah! Carogne, et tu défendais la brèche, foutu garce. Je la cogne, elle m'égratigne, elle hurle. Je jure en frappant toujours. La mère arrive, écumant de rage. Je saute à bord du lit et je me sauve. Mes amis, rangés en haie, me demandent avec une maligne inquiétude si je me trouve mal, si je veux un verre d'eau. Je veux le diable qui m'emporte loin d'ici. Un instant après, ma belle-mère rentre. Et d'un ton de sénateur, mon gendre, je sais ce que c'est. Comment, ventre Dieu? Je le sais bien aussi, moi, et que trop. Non, ce n'est rien. Le premier jour de mes noces, il m'en arriva autant. Ah, la foutue famille! Rassurez-vous, c'est une enfant qui ne sait pas ce que c'est. Elle s'y fera. Allez vous remettre auprès d'elle, et prenez-la par douceur. La rage qui m'étouffait m'avait empêché de l'interrompre. Mais à cette douce invitation, je m'écris, moi, y retourner? Que le Jean Foutre qui l'a commencé la rachève. Ah, foutre, c'est une ânesse ou une jument, tant elle est large. Madame de l'Ermitage fronce le sourcil. Mon gendre, je comprends, c'est que vous ne pouvez pas. Comment en foutre? Madame, je ne peux pas. Et sacre Dieu, la besogne n'est pas dure, on y passerait en carrosse. La vieille fée se fâcha. Je manquais la foutre par la fenêtre, et je sortis pour jamais de ce maudit lieu. Ô rage, ô désespoir, moi la terreur des maris, moi la perle des fouteurs, me voilà coiffée d'un panache à la mode. Quoi, quoi, en herbe, quoi, en herbe ventrée d'eau, et par une guenon, une maritorne. Où fuir, où me cacher, les épigrammes vont m'assassiner. Ce n'est pas tout. Le lendemain, un homme en noir demande à me parler. Au milieu de beaucoup de révérences, il me signifie un petit papier. « Monsieur, vous vous trompez, non monsieur, me dit le Normand. Mais de qui cela vient-il »« De haute et puissante demoiselle Euterpe de l'Ermitage, votre légitime épouse. »« Comment, ce coquin ? Foutre, si tu ne sors. » Il était déjà parti, et court encore. Eh bien, la bougresse me faisait sommation de la traiter maritalement, sans quoi l'on m'annonçait bénignement que l'on demanderait séparation. Je cours chez mon procureur, je consulte, doublé don pendant 3 mois. On me tympanise. Enfin, je suis contraint d'abandonner 10 000 livres de rente de mes 20 constitués. Et l'on me déclare père d'un individu, quelque sapajou sans doute, dont ma bougresse était grosse. Encore n'était-ce pas le premier. Furieux, désespéré, je pars pour le pays étranger et j'abandonne à jamais cette terre maudite où je pourrais rencontrer tant d'objets déplaisants. Sors, foutu, sors plein de rigueur. Quoi, moi, j'éprouverais tes caprices, tes bizarreries? Voilà donc le fruit de mes belles résolutions. Tous mes projets aboutiraient à la parure de Moïse. Fuyez, foutez le camp, rêves atrabilaires, songes creux de mon imagination bilieuse. Non, non, mesdames, vous ne tiendrez point mon chef dans vos cuisses maudites. Jamais un marital ne m'enverra de vapeur cornifère. Au foutre la conversion. Mais dans mon humeur de vengeance, je la nature entière. J'immolerai à mon Priape jusqu'à dépucelage, si tant est qu'il en existe. Par moi, légions de cocus peupleront les palais, les champs et les cités. J'usurperai jusqu'au droit de notre bonne mère, la Sainte Église. Point de fouteuse de prélats, point de monture de curé que je n'enfile sur tous les sens, pour leur conserver l'habitude. Jusqu'à ce que, rendant dans les bras paternels de Monsieur Satan, mon âme célibataire, j'aille foutre les morts.